Et maintenant, un tube planétaire. L'auteur est un parfait inconnu, mais croyez-moi, vous n'aurez aucun mal à reconnaître la mélodie. Prêt ? Bon, c'était Au clair de la lune. Vous l'avez tous trouvé. Bravo ! Jusque-là, rien d'étonnant, je vous ai joué la mélodie au piano. Juste avec la main droite. Maintenant, je vous rajoute un accompagnement de la main gauche. Ce sera toujours exactement la même mélodie, les mêmes notes. Simplement, certaines seront légèrement plus graves ou plus aiguës. Par exemple, je vais passer d'un mi à un mi bémol, dont la fréquence est juste un peu plus basse. Ces petits changements vont donner une coloration très particulière au morceau. Il s'agit bien de la même mélodie et pourtant, il se dégage de l'accompagnement un sentiment de mélancolie, de tristesse. Et celui-ci, qu'en dites-vous ? Oui, le malaise est palpable, l'angoisse même. Mais comment peut-on ressentir, me direz-vous, des émotions aussi différentes alors qu'il s'agit de la même mélodie ? Eh bien, c'est un mystère. Pour certains chercheurs, certaines gammes produiraient chez l'homme de manière innée des émotions particulières. La joie, l'angoisse, la tristesse. Bref, qu'on soit un Auvergnat, un Papou ou un Maya, on ressentirait tous la même chose à l'écoute des mêmes mélodies. Pour d'autres scientifiques, les émotions produites par les gammes ne seraient que des habitudes musicales. On apprendrait dès notre plus jeune âge à associer certaines musiques à certains sentiments. Il est vrai qu'on a rarement de la fanfare à un enterrement ou la mélodie du bonheur dans un film d'horreur. Quoi qu'il en soit, le débat pour l'instant n'est pas tranché.